l'envie de toi s'enfuit. Accroche-toi, ça n'est jamais fini. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Dans ces moments d'incertitude où tu veux finir ta solitude, regarde bien autour de toi. Cherche bien, tu verras, tu trouveras. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Plus peur jamais de tes peurs. Avance. Si t'avances, tu les laisseras derrière toi. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Quand la vie te barre la route, avance. Que parfois de ton cœur tu doutes, avance. Si l'envie de toi s'enfuit, avance. Accroche-toi, ça n'est jamais fini. Avance, avance, avance. Bravo!